Le prix de la farine d'Omania, que ce soit Ikivunde, que ce soit Inyange, était à 700 francs, mais pour le moment, ça coûte 900 francs. La farine de maïs était à 1200 francs, alors qu'aujourd'hui, ça s'achète à 1300 francs. Est-ce que notre régime serait constitué de légumes seulement? Vraiment, nous sommes dans le désespoir total. Après Kabonga, le poste frontalier de Mugina en commune Mabanda a été visité. Les habitants rencontrés sur place ont déclaré qu'aucune entrée de riz, de maïs, de haricots à partir de la Tanzanie ces derniers jours, sauf le sel, le ciment, Ce que je pourrais dire, on ne voit que du ciment, du chaud et des camions qui passent. Mais on ne voit pas du riz, des haricots ou du maïs. Et sur le marché de Mabanda, les prix de ces denrées alimentaires concernées par cette mesure ont grimpé en les comparant à ceux de l'année dernière à la même période. Tenez, le riz est passé de 1350 francs bou à 1700 francs bou le kilo, le haricot de 900 francs bou le kilo à 1100 francs bou le kilo, le maïs de 600 francs bou le kilo à 800 francs bou le kilo. Alors que le Burundi interrogé voudrait que les échanges commerciaux reprennent pour recouvrer la vie normale, Gad Niukuri, gouverneur de Makamba, dit qu'aucun changement remarquable dans la vie de ses habitants n'est observable. Ntabwo bwazimbye nababwiye nti burya hari abantu sanga bashaka gukamisha ibihuha kugira ngo La vie n'est pas chère. Il y a ceux qui veulent profiter des rumeurs pour créer des polémiques. Si vous voulez savoir les prix des produits, profitez-en pour le vérifier. Le prix du riz de bonne qualité varie 1500, 1500 et 1600 francs bou. Si on a ajouté 50 francs, ils ne peuvent pas exagérer, soi-disant que la vie est chère, que les prix ont monté, alors que ce n'est pas le cas. Les choses vont bon trait. Les bananes et les tomates de la Tanzanie importées à vélo ont continué à entrer sur le marché de Mabanda, selon des sources sur place. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Actualité internationale à présent pour vous dire qu'en Namibie, un téléphone sans fil, sans SIM et sans crédit vient d'être inventé par un jeune de 19 ans. En Centrafrique, ce 21 septembre marque les mémoires par un rappel de l'empereur Jean Bedel Bokassa et en République démocratique du Congo, la disparition des membres de l'opposition fait craindre le pire pour sa famille politique. Les détails, c'est avec Ali Dandaïkeza. En République démocratique du Congo, Moïse Moni Dela est introuvable. Il aurait été interpellé ce lundi à Kinshasa lors de la manifestation de l'opposition exigeant la convocation de la présidentielle dans les délais constitutionnels. L'opposant serait détenu dans un cachot à Dolo, selon ses proches. Comme nous le lisons sur le site de Jeune Afrique, dans son entourage, c'est l'inquiétude. Proche de l'opposant Moïse Katumbi, Moni Dela ferait partie de l'opposition dirigée par Étienne Tshisekedi. Ses proches craignent pour des charges qui pourraient être retenu contre lui, comme l'incitation à la violence, atteinte à la sûreté nationale ou autre. En Centrafrique, dans la nuit du 20 au 21 septembre 1979, une opération menée par les services secrets français aboutit à la destitution de Jean Bedel Bokassa, alors en déplacement en Libye. Comme cela est écrit sur le site de Jeune Afrique, l'ex-empereur de Centrafrique est voué à finir sa vie en exil. En 1980, la Cour de justice de Bangui le condamnera à mort par contumace pour assassinat, recel de cadavres, coups et blessures volontaires et détournement de fonds publics. La peine sera finalement commuée en prison à vie, puis à 10 ans de réclusion. L'ex-empereur recouvrera la liberté en 1993, gracié par le président Kolingba. 3 ans plus tard, il rendra l'âme à Bangui. En Namibie, un élève de 19 ans, Simon Petrus, vient de fabriquer un prototype de téléphone adapté à sa réalité namibienne. Il peut émettre des appels grâce à l'utilisation des fréquences radio pour fabriquer son téléphone. L'élève ingénieux n'a utilisé que des objets bien anodins, assez peu nourris de technologies sophistiquées. Pièces de rechange de téléphone, composants de téléviseurs, ampoules et carcasses de chargeurs. Pour la suite, quelques partenaires étrangers auraient déjà manifesté leur intérêt pour la capacité d'innovation.